Bonsoir tout le monde, c'est Thierry Gallet, c'est la saga des Fab Four numéro 551 sur RIG 90.7 qui est la radio des Beatles, le mercredi soir entre 20h et 22h02, oui à peu près, hein, toujours. Bon, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui c'est un best-of George Harrison, parce que George Harrison est né le 25 février 1943, même si il l'a cru pendant très longtemps qu'il était né le 25 février, et qu'il y a un doute, il serait peut-être né dans les dernières secondes ou minutes du 24 février 1943. On s'en fout, on n'est pas à 2 minutes près, hein, bon. Donc pour lui souhaiter son anniversaire, eh bien, nous allons, il aurait eu 80 ans, hein, quand même. On va lui faire un spécial George Harrison, avec que du George Harrison, chanté par lui ou des copains à lui. Il y aura, je vous cite les 5 premiers, il y aura My Sweet Lord, Isn't It a Pity, What Is Life, pas mal, hein, sur le même album, figurez-vous. Puis il y aura Give Me Love, Give Me Peace on Earth et Everybody's Trying to Be My Baby. Je ne vous dis pas qui le chante, vous allez voir ça au fur et à mesure. Je vous propose par contre de me retrouver sur Facebook, dans le groupe La Saga des Fab Four, qui a encore gagné des membres. C'est absolument fantastique, puisqu'on en est à 1027 depuis très peu de temps. Donc bravo, merci à vous, c'est fantastique, je ne peux pas dire autrement. Et donc vous allez dans le petit topic sur lequel il y a George Harrison qui met le petit doigt en l'air pour dire c'est le best of Harrison là, voilà. Et on se parle et ce se passera très très très bien. Restez tranquillement assis, mettez votre casque, parlez-en aux voisins, dites-leur de rejoindre le groupe La Saga des Fab Four sur Facebook. Dans le groupe La Saga des Fab Four, vous verrez, c'est bien, c'est sympa. Et puis voilà, le générique se termine. Et donc je vais vous proposer de commencer avec le remix 2020 de My Sweet Lord dans A Few Seconds, comme on dit. Je vous souhaite une très très bonne soirée. RIG, on rend hommage à George Harrison. qu'il n'était pas content du tout qu'on l'accuse de plagiat de « He's So Fine » des Chiffons. Quand vous écoutez les deux chansons côte à côte, ça se ressemble furieusement. Hein. Alors un plagiat inconscient, moyen. Mais bon, admettons, on reste sur le même disque, « Isn't It a Pity » sur R&J. Le meilleur de George Harrison, c'est ce soir, dans la saga des Fab Four numéro 551. Isn't it a pity? sais pas si vous faites comme moi, mais dans le studio, lumière tamisée, casque sur les oreilles, et j'écoute religieusement ce superbe album All Things Must Pass, sorti en 1970, et une sorte de relâchement de George Harrison après avoir été légèrement contraint par les Beatles à ne sortir qu'une ou deux chansons plutôt. Là, il s'est lâché. Un triple album. Fantastique. On fait 2 plus 1 ? Allez, 2 plus 1, 3. Voici What is Life, extrait du même album. Vous êtes sur RIG, on rend hommage à George Harrison. Prochain chanteur est un invité, c'est Jeff Lynne. La relation entre George Harrison et Jeff Lynne l'avait mal démarré parce que George Harrison trouvait que Jeff Lynne sonnaient un peu trop comme les Beatles, donc copiaient un peu les Beatles. Et puis finalement, ils sont devenus très très très potes. Et même, il a appris à George Harrison une manière de créer une chanson. George Harrison, lui, c'était plutôt du genre à « je me mets sur la chanson et tant qu'elle n'est pas terminée, je ne bouge pas dessus, je reste dessus à fond ». Et Jeff Lynne lui a dit « tu essaies de créer ta chanson, si tu n'y arrives pas, tu la lâches un moment, tu fais autre chose et quand tu y reviens, tu verras, ça marche ». Eh bien, il l'a mis en application et ça a marché. Voici Jeff Lynne en concert sur Concert for George, forcément, avec cette chanson « Give me love, give me peace on earth » sur RIG. Quel concert, qu'est-ce que j'aurais aimé être là-bas. Après avoir écouté George Harrison par trois fois et Jeff Lynne à l'instant, et avant de retrouver les Beatles pour Everybody's Trying to Be My Baby, je vous propose d'essayer de tout savoir. Pour tout connaître sur les Beatles, il faut passer par un site. Ce site, c'est celui de Lovely Rita. Mais vous allez me dire, qui est Lovely Rita? Je sais, vous le dites en même temps que moi. Lovely Rita, c'est la responsable du Beatles Magazine à Londres. Et si vous voulez tout savoir sur John, Paul, Ringo, George, il vous suffit d'aller sur BeatlesMagazineUK.com. C'est 7 jours sur 7, 24 heures sur 24. C'est lu par des milliers de fans à travers le monde et vous avez toute l'actualité des Beatles, y compris celle de Paul et de Ringo. Bref, toute l'actualité, c'est sur BeatlesMagazineUK.com. 24 heures sur 24, 7 jours sur 7, même 8 jours, 8 days a week. C'est la saga. C'est la saga. dressed it up and they called it me. Everybody's trying to be my baby. Everybody's trying to be my baby. Everybody's trying to be my baby now. Woke up last night, 4:30. 50 women knocking on my door. Everybody's trying to be my baby. Everybody's trying to be my baby. Say late. En 1964, sur l'album For Sale, quelle belle année que cette année 1964. 23 ans plus tard, en 1987, George Harrison revient après un petit exil dans son jardin pendant 5 ans, un peu comme John Lennon, mais pas pour les mêmes raisons. Et il nous propose un très bel album, l'album Cloud Nine. Et à ce moment-là, les producteurs disent, il nous faudrait une face B pour un 45 tours. Et est-ce que tu peux nous créer une face B ? Il dit, ouais, je vais vous créer Handle With Care, j'ai une idée. Mais pour faire ça, il était avec Jeff Lynne et tout ça. Il s'est rendu chez Bob Dylan, accompagné de Jeff Lynne, accompagné de Tom Petty. Roy Orbison n'était pas loin, etc. Et résultat, ça a donné le groupe Traveling Wilburys. J'ai fait court parce que comme on n'est pas en avance, il faut faire court. Quel très bon groupe, très original, puisque ce sont 5 stars qui n'ont pas besoin de publicité pour vivre. Ils sont déjà des stars établies. Ils n'ont pas un ego plus haut l'un que l'autre. Et ils s'en sont amusés à amener ça dans les maisons de disques sous le nom de Traveling Wilburys et sous des pseudos, sans préciser que c'était George Harrison, etc. Ça donne Handle With Care, très bon disque, très bon premier disque, sorti en 88 sous le titre Traveling Wilburys Volume 1. Next to mine and dream on. I've been fucked up. next to mine. Dream on. I've been uptight and made a mess, but I'll clean it up myself, I guess. Oh, the sweet smell of success. Et la saga des Fab Four rend hommage à George Harrison. Montez le son. Voici Wah Wah, qui n'est pas le bruit que fait le chien. C'est la pédale Wah Wah du guitariste qui permet de faire des sons comme vous entendez là. Wah Wah Wah Wah Wah. R.I.G., c'est la saga des Fab Four numéro 551. Wow. 3 ans plus tard, en 1973, sur l'album Living in a Material World, voici Try Some, Buy Some. Way back in time, someone said try some. Toujours extrait du concert for George, cette fois-ci c'est Eric Clapton et Beware of Darkness sur RG. Watch out now, take care, beware of falling swing. The pain that often lingers. darkness. Watch out now, take care, beware of thoughts that linger. Yeah. C'était en 1965 sur l'album Rubber Soul. Ce soir, on rend hommage à George Harrison qui, dans quelques jours, le 25 février, aurait eu 80 ans, lui aussi. Parce que forcément, nos Beatles vieillissent, mais bon, lui, il les aura jamais. Parce que figurez-vous qu'il est mort à 59 ans et c'est mon âge cette année. Ben, on n'a pas l'impression d'être si vieux que ça, 59 ans. On commence à être moins jeune, mais ça va. New Blue Moon, les Traveling Wilburys. Looking for a new blue moon. une chanson enjouée. Et même, on n'est pas très très loin de l'instrumental. Hein. Il y a très très peu de paroles. Mais c'est bien, c'était extrait de Extra Texture, Read All About It, en 1975. Un an plus tard, sur l'album, je prends ma respiration, 33 and One Third, sorti donc en 1976, un album encore plus enjoué. Il est enfant, en 1976. Voici une chanson qu'il, il dédie ça, parce qu'il est très religieux, il dédie ça à Dieu. Mais même qu'on soit croyant ou pas, la chanson est très très jolie, une très belle musique. Et puis les paroles, c'est des paroles d'amour finalement. Voici Dear One sur RIG. Tiens, à propos de George Harrison, j'ai vu passer un tweet de Danny Harrison dans l'après-midi qui a dit que les chansons de George sont revenues dans le catalogue de Dark Horse, donc contrôlé par Olivia et par Danny. Et donc, on peut espérer, d'ici quelques temps, avoir des petites trouvailles, des petits rajouts sur des albums, je ne sais pas trop quoi. Évidemment, dès qu'on en saura plus, on vous tiendra informé dans la saga des Fab Four. Et on retrouve Eric Clapton, encore, avec If I Needed Someone sur RIG. Ensuite, il y aura les Traveling Wilburys. Bye.

Oui, vous savez qu'habituellement, on double le White Album. Là, je l'ai presque doublé. Je l'ai associé à la cover. C'est Jeff Healey, en 1990, sur l'album Hell to Pay, qui nous a fait cette superbe interprétation de While My Guitar Gently Weeps. On continue, si vous le voulez bien. Je sais que vous le voulez, puisque c'est un hommage à George Harrison, dans la saga des Fab Four numéro 551, ce soir, sur RG. Et je vous propose de retrouver George Harrison avec un Paul, mais pas Paul McCartney, Paul Simon. En 1976, pendant un Saturday Night Live, ils ont fait au moins deux chansons, une chanson de Paul Simon et une chanson de George Harrison. Voici leur interprétation de Here Comes the Sun sur RG. Don't you think? Et du rockabilly pur avec Carl Perkins. George Harrison et Carl Perkins. le fameux rire de Carl Perkins. On va arrêter là parce que ça va nous faire gagner 38 secondes. Et là, on est à la recherche d'un maximum de gains de temps. Ben là, si je prends du temps pour dire ça, ça va être dur. Voici à nouveau les Traveling Wilburys, Inside Out sur RIG. Ensuite, il y aura True Love. Dans à peu près 30 minutes sur RIG 90.7, vous aurez Eric et son incroyable Johnny de A à Z. Deux extraits du même album, George Harrison, Soft Touch et If You Believe. RIG, on rend hommage à George Harrison ce soir. Vous avez passé trois extraits de cet album-là, donc je vous en ai choisi deux autres, c'est normal, pour ne pas faire trop de répétitions. If You Believe, sur RIG, dans la saga des Fab Four. Yeah. Tiens, on va parler de Paul McCartney. Il paraît, le bruit court, que Paul McCartney et Ringo Starr seraient sur l'album de le prochain album des Rolling Stones. McCartney aurait posé sa ligne de basse et Ringo Starr, sans qu'on précise pour l'instant s'il est en même temps que McCartney sur la même chanson ou s'il en a fait plusieurs, il participe également à cet album-là. Bon, revenons à Paul McCartney. Paul, lorsque tu fais ton concert, si tu pouvais changer ta chanson en hommage à George Harrison par celle-ci, par exemple, que tu as chantée en 2002 au concert pour George, c'était « All Things Must Pass ». Ça marcherait aussi, on serait content. Pense-y. Tomorrow will bring. Maybe a diamond ring. Well, it's all.

so long. Twilight sings a song of the happiness that used to be. Soon my eyes will close, soon I'll find repose, and in dreams you're always near to me. I'll see you in my dreams, hold you in my dreams. Someone took you out of my arms, still I feel the thrill of your charm. S'arrêter, ça devait s'arrêter. Dans quelques instants, Eric prend la suite avec son fabuleux Johnny de A à Z. Merci à toutes et à tous. Je pense qu'on a rendu un bel hommage à George Harrison. Et la semaine prochaine pour de nouvelles aventures. C'est déjà prêt. Ce sera un album de Paul McCartney, il me semble. Ce serait pas mon chouchou par hasard. Bon, on verra ça. Allez, ciao.